Viens, je t'emmène dans ma folie, à l'ombre des esprits malfaisants, là où le désir et l'envie sont les seuls esprits bien pensants. Sont les seuls esprits bien pensants. Il tombe souvent de la pluie, mais l'on est à l'abri du temps qui passe sur nous, non sans mépris, sans un petit sourire connivant. Sans un petit sourire connivant. On y trouve des espoirs enfouis qui sommeillent tout en bouillant, tous les tracas d'un insoumis, voire même des sourires d'enfant. Voir même des sourires d'enfants. Y a aussi tous les soirs d'oubli où je m'abandonne tendrement avec toute une foule d'amis qui font les lendemains plus chantants. Qui font les lendemains plus chantants. Depuis longtemps, on m'a appris que la nuit est faite pour les vivants. Elle est plus douce quand on la vit, emplie de rêves déroutants. Emplie de rêves déroutants. C'est toutes ces choses qui font que ma vie n'est pas qu'une suite d'événements qui s'en vont quand sonne midi et ferme la porte en repartant. Ferme la porte en repartant. Voilà, le voyage est fini, quoi qu'il fût un peu lancinant. J'espère que l'orée de ma folie t'a fait voyager doucement. T'a fait voyager doucement.